Salut Charlie. Ah, là, je suis remontée comme un coucou. Ouh. Parce que j'ai déjà trouvé un sujet. Oula. Dans le supplément week-end des Échos. Ah, ouais. La presse libérale, félicitations. Mais c'est quoi, c'est quoi? Attends, c'est une enquête sur le golf et apparemment... Tous les patrons jouent au golf. Et je ne peux pas croire qu'à France Inter, nos patrons jouent au golf. Salut les jeunes. Justement la direction. Ah oui, bonjour Laurence. Bonjour Laurence. Vous tombez bien, dites donc. De toute façon, c'est non. Ah. Mais quoi, c'est non? Vous n'aurez pas d'augmentation cette année. Ça, on s'en doutait. Non, non, non, Laurence, c'est pas ça. J'ai une question importante. Est-ce que vous jouez au golf? Ah, mais moi, jamais. Ah oui, parce qu'apparemment, tous les patrons jouent au golf. Hein. Mais enfin, Charline, le golf... C'est tout sauf punk. Pourtant, le golf, ça swing. C'est le swing, la danse, le punk. Non. Si vous pensez avoir une augmentation avec ce genre de jeu de mots... Pardon. Non, non, alors donc c'est fou ce que disent les Échos. Mais alors. Oui, c'est la presse libérale, non, je mais dis. Attendez, Laurence, c'est important. Vous me jurez que vous n'avez jamais touché un club de golf. Bah, si, quand même. Ah voilà. J'ai le souvenir d'un mini-golf à la boule. Ah, oui. Et j'étais pas mauvaise au putting. Au quoi? Le putting, c'est avec le club lequel tu pousses la balle dans le trou. Ah, bah, d'accord. Oui. Bon, l'interrogatoire, là, c'est fini, parce que moi, j'ai un rendez-vous et il est pas tout prêt quand même. Oui, c'est où? Ça, non, la Bretèche. Enfin bon, dans les Yvelines, là, quoi. Mais, quand même un peu loin. Mais là, parce que ça, non, la Bretèche, c'est le golf le plus connu de France. Laurence, oui. Vous nous avez menti. Mais oui. Je vous jure que je ne joue pas au golf. C'est Mathieu Gallet qui me demande de porter son sac. Oh. Joke. France Inter, bonjour à tous. Vous écoutez l'émission qui prend les itinéraires bis de l'actualité. Et voici les trois informations conseillées par Bison Futé. Ségolène Royal entame une tournée africaine en tant que nouvelle présidente de la COP21 pour s'assurer que les dirigeants vont ratifier l'accord de Paris et rappeler les fondamentaux de l'écologie dès son entrée dans un quelconque palais présidentiel. Il est interdit de toucher en pelouse de l'établissement. Au nom de l'harmonie familiale, de plus en plus de parents associent les enfants à tous les choix de consommation, la couleur du monospace ou le lieu de vacances. Si ça continue, ce sont les enfants qui vont faire passer les lois à coups de 49-3. En tout cas, moi j'aurais voulu qu'ils légalisent le cannabis. Jouer au golf, c'est bon pour le réseau professionnel, donc bon pour les affaires. Comme le précise en une le supplément week-end des Échos, le golf, c'est surtout, je cite, 3 heures de marche en bonne compagnie. Êtes-vous libre demain? Je ne vais point au golf, je récupère. Mais nous insistons tous! Si vous vous dérobez, nous vous boudons à jamais! Et pour m'accompagner, j'ai à mes côtés la meilleure compagnie qui soit. D'autant qu'il n'arrête pas de me faire marcher. C'est Alex Vizorek. Bonjour Charline Vanhoudenker et bonjour à tous. Aujourd'hui autour de la table, une belle équipe à 17h20. C'est un grand jour pour lui, car peut-être que c'est sa dernière chronique en tant que type qui n'a pas gagné un César. Car oui, on a un chroniqueur nommé au César. Je ne ferai donc pas de long discours. Bonjour Thomas Bideguin. Et merci, je veux remercier d'abord mes parents. Vous ferez ça tout à l'heure. De quoi on va parler avant que vous alliez? On va parler d'objectifs. Ah, ça c'est bien, ça c'est bien. 17h30, lui, il est nommé à la traditionnelle cérémonie des C'est qui l'emmerdeur. Et un C'est qui l'emmerdeur d'honneur va lui être remis pour l'ensemble de son œuvre. C'est Guillaume Meurice, bien entendu. Bonjour Alex, bonjour Charles. Félicitations. Bonjour à tous et merci beaucoup. De quoi on parle? Moi je me suis rendu au salon du fantastique aujourd'hui. J'ai rencontré plein de gens costumés, notamment une guerrière avec une vraie hache. Je suis venue en métro comme ça. Et avec le plan Vigipirate, vous n'avez pas eu de problème? Aucun problème, j'ai caché ma hache, j'ai mis dans un sac pour pas faire des mouvements de foule. Voilà, petit conseil aux djihadistes, donc hein, si vous voulez faire un attentat avec une hache, un petit sac, voilà, c'est préférable. À 17h40, elle ne doit aller dans aucune cérémonie car elle n'a pas de prix. Celle qui met des mots sur des concepts qu'on n'avait même jamais pensé vouloir formuler, c'est Isabelle Sorrente, bonjour. Bonjour Alex, bonjour Charline. De quoi on va parler que je vais pas comprendre? Eh bien non, vous allez comprendre Alex, aujourd'hui on va parler de l'art de dire non et comment savoir dire non quand on est trop empathique et qu'on n'ose pas dire non pour pas faire de peine et que ça fout le bordel. C'est tout à fait moi. À 17h55, à l'unanimité des gens de l'équipe, on lui décerne la victoire de la musique, même si pour lui avoir une victoire c'est déjà une défaite. À 17h55, Frédéric Fromet sera avec nous. Et un référent de la République préside cette émission. Vous êtes né sous Moussa Traoré au Mali. Absolument. Vous sortez votre premier album Mouneïssa en 98, une bien belle année pour Martine Aubry puisque les 35 heures sont adoptées. Vous remportez une victoire de la musique en 2009 quand Barack Obama est élu président des États-Unis et vous faites partie du jury du Festival de Cannes en 2015 quand Cuba et les États-Unis rétablissent leurs relations diplomatiques. Parce que chez Castro, il y a tout ce qu'il faut. Et vous, vous êtes, je vous laisse nous le dire, vous êtes. Je suis celle qui va succéder signer Ségolène Royal parce que j'ai envie de pouvoir faire 5 pays africains en une semaine, faire 5 concerts. Oui, elle est déjà chaude pour le premier sujet, c'est Rokia Traoré. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Et qu'est-ce qui nous prouve d'abord que vous êtes vraiment Rokia Traoré? Ah! Ah, c'est pas elle. Ouais, parce que je fais. C'est Michel Houellebecq, je oh savais. Oh mon Dieu, comment... j'avais pas prévu celle-là. Je pensais que le fait de me raser le crâne. C'est un indice. Votre voix est reconnaissable entre toutes Rokia Traoré. Votre dernier album s'appelle Nesso, qui veut dire chez moi, si je ne m'abuse. Et vous êtes en tournée, vous serez notamment au Trianon à Paris le 28 octobre, mais aussi par exemple demain à Dunkerque, à Grande-Synthe. Grande-Synthe qui est au cœur de l'actualité en ce moment et où la musique adoucira très certainement les mœurs. Rokia Traoré, votre album ici, Nocé, le dernier, il est né après une période très très perturbée, c'est-à-dire la guerre au Mali. Musicalement, ou même dans les paroles, c'est un album qui est encore plus différent des autres, qui a un supplément d'âme. Il y a quelque chose qui vous a influencé là-dedans, j'imagine. Oui, j'ai appris à être drôle. C'est vrai. Ça permet d'affronter les choses. À écrire. C'est en voyant François Hollande faire la guerre chez vous que vous avez appris ça. Allez-y, laissez la réponse. Pardon. À écrire des textes légers, enfin paradoxalement, et aussi à moins paniquer. Hein, parce qu'une fois, qu'on a l'impression que tout est tombé et qu'on est encore là, on se dit ok, bon. C'est comme ça, la vie est belle quand même. Et tant que je peux rester au Mali et faire des allers-retours, être libre de mes choix, c'est bien, c'est finalement ça chez soi. C'est la liberté de choisir ce qu'on veut être et de se projeter, d'imaginer son avenir. Et j'ai encore ça, moi. Donc voilà. Oui. Et donc c'est une chose dont vous profitez. Un album donc plus léger dans peut-être dans le propos, dans la musique aussi. Pour certains textes, il y a les deux extrêmes. Il y a les textes comme Nesso ou Cédan qui sont toujours moi, hein, mes camarades d'école, lycée et tout me reconnaîtront très facilement. Les longues discussions très sérieuses. Et puis il y a Amour ou Il est qui sont des chansons qui m'ont surprise quand ça me venait et que j'écrivais. Je dis, c'est moi qui écris ça. C'est tout bête, tout simple. C'est des refrains couplets. C'est pas compliqué et je n'ai pas envie que ce soit autrement. Et puis il y a une chanson plus grave aussi sur les 5,5 millions de réfugiés. Oui, c'est ça, c'est Nesso. Cette chanson qui a donné son titre à l'album. Oui, ce sont des réalités auxquelles on est plus sensible une fois qu'on a son pays qui fait partie des pays en guerre désormais. Alors vous chantez en bambara, en français, en anglais. Il y a des musiciens africains d'Afrique de l'Ouest, un Burkinabé à la batterie, un Ivoirien à la basse. Il y a aussi l'anglais John Parrish. Qu'apporte ce mélange? Par exemple, l'anglais John Parrish, il apporte une touche européenne à la matière première africaine. Comment ça se passe? Il y a un côté très jazzy dans ce que vous faites aussi. Il apporte le son parce que je compose et j'amène John fait ce que je ne sais pas faire. Et comme sa collaboration avec moi est sa première collaboration avec un artiste africain, il est quelqu'un de très talentueux, mais très mesuré aussi, qui veut pas aller sur ce qui n'est pas son terrain. Donc la collaboration, elle est parfaite. On a besoin l'un de l'autre pour des raisons précises et claires, et on s'adore. C'est vraiment agréable de bosser avec John. C'est important de travailler avec les gens qu'on aime. Hein. Moi, je connais, j'ai pas ce bonheur, mais c'est nous non plus. Nous, on n'a pas l'impression de travailler. Voilà. Rokia Traoré, on va avoir l'occasion d'écouter un extrait de votre album un petit peu plus tard dans l'émission. Votre dernier album, Nesso. Et puis, je rappelle que vous êtes en tournée dans toute la France et notamment au Trianon le 28 octobre. Et en attendant. Et en attendant, on vous propose The Cure pour mettre la patate dans cette émission avec Rokia Traoré. On va notamment parler d'Afrique, de Ségolène Royal qui fait ses premiers pas en tant que présidente de la COP21. Et de golf. Et de golf aussi. Mais oui, vous allez vous moquer du golf, je le sais, mais je suis là. Mais non, Rokia Traoré est née dans un milieu de diplomates aussi. Elle nous dira si on joue au golf chez les diplomates. Elle a un pied entre l'Afrique et l'Europe. Et la Belgique. Elle vit à Bruxelles, elle est parfaite. We'll be right back. C'est The Cure. Vous aimez The Cure, Rokia Traoré? Oui. Sans hésitation. Vous êtes sur France Inter, où il est 17h20 à Amiens. Amiens. Mon bras est parti. Oui, le bras est parti. Non, mais, donc, le générique. Amiens, où Rokia Traoré jouera le 5 mars. Et on ne parle jamais assez, évidemment, de l'alcoolisme au travail. Excusez-moi. C'est mon enthousiasme. Je pars avec les mains. C'est mon petit côté méditerranéen du Nord. N'est-ce pas, Rokia? Allez, autour de cette table, Alex. Eh bien, dans l'ordre d'apparition, notre ami Bideguin qui se prépare pour les Césars, Guillaume Meurice et Isabelle Sorrent. Et donc, Rokia Traoré est avec nous. Son dernier album s'appelle Nesso. On va en écouter un petit extrait tout à l'heure. Mais juste avant, attention, on va vous remettre d'équerre avec l'information précise, objective. Source recoupée, c'est maintenant. Envoyez le bras. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. Vous mentez. Le journal de presque 17h17. Ça vous reprend. C'est un mensonge. Et on commence par les titres. Emmanuel Macron a été harcelé par une étudiante qui lui envoyait des messages et photos érotiques. En même temps, il est mal placé pour critiquer les étudiants attirés par des mentors plus âgés. François Hollande a marqué un pénalty dans le mythique stade Bombonera en Argentine. Mais il n'y avait pas de gardien. Ah oui, si on lui enlève tous les obstacles, il arrive à faire des trucs, ce gars-là. Hein. Et bien sûr, il y aura des brèves. Mais oui, pour les emporter un week-end avec... On commence donc par l'affaire Emmanuel Macron. Oui, il aurait été harcelé par une étudiante en droit de 29 ans. Elle lui aurait envoyé des messages à caractère érotique. Et en exclusivité, bien sûr, on a mis la main sur quelques exemples. Oui, je vous cite. Pour toi, je travaillerai même le dimanche. Fouette-moi en m'appelant Manuel Valls. Ou encore, Manu, ravage-moi comme si j'étais un code du travail. C'est terrible, c'est terrible. On lui souhaite de s'en remettre. Politique toujours. Dans un entretien accordé au magazine Gala, Laurent Wauquiez a dévoilé un peu de sa vie privée. Il a notamment déclaré que le dimanche, c'est sacré. Je le cite, Barack Obama m'appellerait, je ne décrocherai pas. Et ça tombe super bien, parce qu'a priori, Barack Obama ne va pas appeler Laurent Wauquiez dimanche, ni même lundi, et peut-être que mardi, c'est foutu aussi. On reste à droite avec Alain Juppé. Oui, il était l'invité de Rutel Kiev sur BFM TV. Et il a parlé indirectement un peu de nous, écoutez. On est dans une société de dérision permanente des hommes politiques. Quoi qu'ils fassent, on se fout de leur gueule, parce qu'on considère qu'ils sont jamais sincères. C'est pas faux, Alain, mais qu'Alain Juppé nous reproche de penser que ce qu'il dit n'est pas toujours sincère, c'est plutôt lui qui se lance dans la dérision. Et sur Canal+, c'était un autre candidat à la primaire à droite. Oui, celui que Guillaume Meurice s'appelle Bruno Il Phénoméno, le maire. Alors, comment il se porte, le maire, sur Canal+? À la cool, détendu du gland. Détendu du gland, à la cool. Passons donc. C'est un déglingo. Il l'a vraiment dit. Hier, François Hollande était en Argentine et il a foulé la pelouse du stade mythique de Boca Juniors. Il a marqué un but. Bon, d'accord, le but était vide, mais quand même, il a marqué. Oui, il a d'ailleurs déclaré, je n'ai pas beaucoup de mérite, il n'y avait pas de gardien. Eh bien, il est bien modeste parce qu'en équipe de France, Olivier Giroud en a raté des beaucoup plus faciles que celle-là. On reste dans le sport et la gauche. Effectivement, Lionel Jospin sera dimanche l'invité de Bing Sport. Mais non. Il va venir parler basket NBA. Alors, le vrai souci, c'est qu'un un commentateur de basket américain type George Eddy et Lionel Jospin, il y a un vrai gap. Mesdames, messieurs, mes chers compatriotes, mes chers amis qui êtes ici présents. C'est pas possible qu'on vienne voir les gars. Si, comme on peut le penser, les estimations sont exactes. Voilà, ça s'annonce donc chaud sur Bing dimanche soir. Allez, Salon de l'agriculture à présent. Oui, le Salon de l'agriculture ouvre ses portes demain et lundi, il recevra une visite inédite, celle de 15 évêques qui viendront au chevet du monde rural. Très pratique pour retrouver les brebis égarées dans le salon. Non Alex, oh. Non, un peu de sérieux quand même, parce que les évêques viennent aussi pour acheter des chapelets de saucisses. Ah, pardon. International. Le groupe État islamique menace Mark Zuckerberg. Ah, vous voyez, je ne suis pas le seul à ne pas aimer les nouveaux émoticônes. Élection du président de la FIFA, le candidat sud-africain Tokyo Sexwale se retire avant le vote. Sexwale se retire. Oui, non. Bon, non. Pas la peine. Non. Plutôt deux brèves pour terminer. Oui, deux brèves. Nancy. Elles sont bien, je vous laisse le temps. Nancy, pris en excès de vitesse, il conteste en se faisant passer pour Nicolas Sarkozy. Ah, et ça marche ? Alors non, l'amende est passée de 68 à 180 euros. Ça ne marche donc plus de se faire passer pour Nicolas Sarkozy. D'accord, et la dernière ? La dernière, Bastia. Des boules de pétanque piégées découvertes avant une manifestation. En Corse, on ne se pose donc pas la question du tu tires ou tu pointes. On a déjà la réponse. Et merci à notre ami Thomas Wiesel. Thomas Wiesel, humoriste suisse de qualité qui nous a aidé toute la semaine à écrire. Allez, on est avec Rokia Traoré et on en profite. On va aborder le premier sujet avec vous, Rokia. Ségolène Royal fait ses premiers pas de présidente de la COP21 en Éthiopie. Elle effectue en ce moment une tournée africaine, 5 pays en 5 jours. Certainement grâce aux miles accumulés par François Hollande cette semaine. Pour son mini-trip à 9 tonnes de CO2, elle a privilégié une compagnie aérienne locale plutôt. Assalamu alaikum, ici le Capitaine Chocolat. Ladies and gentlemen, this is the Captain Chocolat. Bonjour mesdames et messieurs, donc nous allons vous projeter un film. Ladies and gentlemen, we are going to present to you a movie. The title of the movie is Basic Einstein. It's a good movie, but voilà. Mesdames et messieurs, nous allons vous projeter Basic Einstein, donc c'est un bon film, mais quand même, c'est un film à caractère un peu cochon, hein. Parce que quand Sharon Stone écarte les jambes pour dire vous allez mettre des fumages et qu'on voit le matériel et tout ça, on sent quand même, bon, ben, elle veut qu'on la chicote, quoi. Voilà, c'est bien pour chauffer tout le monde. Messieurs, tenez-vous à carreau. PLC, on porte armement de toboggan. On va faire des take-off. Rokia Traoré, est-ce que le jury du dernier festival de Cannes a identifié le personnage? Oh, c'est Omar Sy dans le SAV des émissions. Si. Oui. Je j'imaginais, bon. J'allais un peu de poser, il y a l'accent sénégalais. Ah. Alors, c'était voilà. Soit lui, soit Michel Leb, de toute façon. Oui, voilà. Non, donc, il le fait beaucoup mieux. Et puis je me disais, oui, est-ce qu'il sait imiter cet accent-là à ce point, mais ça se devine facilement. Donc Ségolène Royal est en tournée africaine. La tournée commence en Éthiopie, parce que l'Éthiopie avait présenté le programme africain le plus ambitieux de la COP21, réduire de 64% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Alors Rokia Traoré, l'environnement en Afrique, tout simplement déjà, il se pose en d'autres termes que chez nous. Le niveau de préoccupation est sans doute différent. Oui, probablement, parce que tout ce qui les gaz à effet de serre, oui. J'aimerais bien savoir exactement comment on en produit au Mali, en Afrique. Nous aussi, on se demandait. C'est intéressant, parce que c'est ce que je me suis posé comme question en lisant l'article. Et oui, il y a d'autres préoccupations. Bon, le climat, la sécheresse, voilà, etc. On connaît, voilà, ouais. Absolument. Par des pays, l'ensablement de cours d'eau uniques dans pas mal de pays, ou en tout cas très importants. Il y a de manière très directe aussi, qui a un impact énorme sur l'agriculture, sur l'élevage, qui est le sac plastique. Oui. Où il ne faut pas beaucoup d'argent. Il faut surtout sensibiliser et proposer d'autres métiers et des subventions et des aides à ceux qui en vendent et qui ne veulent pas arrêter parce qu'ils n'ont pas d'autres gagne-pain. Donc, il y a beaucoup d'actions très simples à mener qui résolveraient pas mal de problèmes en Afrique, déjà, même avant d'arriver à la production de gaz à effet de serre. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, parce qu'il ne sert à rien d'attendre que l'Afrique continue sur des modèles qui en produisent beaucoup aujourd'hui et finissent ainsi. Mais je ne suis pas sûre que la solution soit de tout miser là, au moment où nous avons d'autres problèmes liés qui ont un effet néfaste sur l'environnement, qui peut se solutionner plus facilement et qui ne sont pas gérés. Le développement de l'exploitation des énergies renouvelables est une très très bonne idée parce que Ségolène Royal est là notamment aussi pour la transition énergétique hein, puisque la France aide financièrement. Ce qui est très important parce que il y a des tas d'endroits aujourd'hui à électrifier qui ne le sont pas encore et qui ont un énorme potentiel, que ce soit en exploitant l'énergie éolienne ou l'énergie solaire. Donc ça ne sert à rien de les laisser développer des choses avec l'énergie nucléaire au moment où il y a de réels développements, notamment par rapport à la puissance des batteries, parce que jusque là c'est ça le problème. Oui. Mais de ce que j'ai compris, il y a énormément de progrès à ce niveau aujourd'hui et il est important de faire en sorte que ces pays puissent profiter de cela. Donc il y a des petites associations qui se battent énormément, qui font beaucoup déjà. Oui. Il faut les appuyer aussi. Même celles qui récupèrent les sacs plastiques par exemple, pour qu'ils évitent aussi d'arriver dans l'estomac des animaux. Tout à fait. Enfin, récupérer est une chose, mais si on ne fait rien contre l'utilisation, ils récupèrent, il y en a encore. Mmh. Et aussi la manière de récupérer, c'est-à-dire des simples questions d'information. Et je vois déjà dans mon quartier, on me regarde comme une martienne quand j'en parle. Au lieu de laisser les gens aller fouiller les ordures et des enfants se couper, des gens se faire mal et ramasser pas mal de microbes, pourquoi est-ce qu'on n'encouragerait pas les ménages à juste mettre les sacs plastiques dans une poubelle à part, que ces usines-là qui fabriquent des pavés qui sont des mélanges de sacs plastiques et de sable, en recyclé, voilà, il y a énormément de projets, qu'ils passent les acheter directement dans les familles ou qu'en tout cas qu'il y ait un système qui soit moins dangereux au quotidien. Donc il y a pas mal de choses à faire que le travail de petites associations va gérer plus efficacement que n'importe quel gros programme avec beaucoup d'argent donné au gouvernement. Donc il y a ça et l'autre chose est d'informer que les populations soient au courant de ce qui est possible aujourd'hui afin qu'ils sachent exactement quoi demander à leurs dirigeants. L'éducation. L'éducation et l'information, vraiment. Parce qu'Internet est beaucoup utilisé aujourd'hui dans ces pays. Oui. Et si le taux d'alphabétisation ou de personnes sachant lire et écrire est très bas, dans chaque famille, il y a des gens qui savent lire et qui peuvent faire véhiculer l'information. Donc il faut qu'on sache ce qui est possible aujourd'hui et ce que la société civile, les électeurs, sont en mesure d'exiger, de demander à leurs dirigeants et on ne va pas leur donner de l'argent encore dont on ne saura pas ce qui sera fait. Mais voilà, on aurait dû envoyer Rokia Traoré avec Ségolène Royal. Avec grand plaisir. J'en aurais profité pour faire des concerts partout là où elle passe. C'est vrai. Voilà le regard de Rokia Traoré sur l'environnement. À 17h31 sur France Inter, c'est le moment de Thomas Bideguin dont on profite parce qu'après, figurez-vous que vous devez rentrer dans votre robe, c'est ça, pour ce soir, pour la cérémonie des Césars qui vous attend. Oui. Alors allez-y, profitez-en. Oh, vous êtes gentil. Mais alors, donc voilà, c'est désormais un peu comme un rituel, comme une petite cérémonie. Je viens parler dans cette émission de storytelling. De tous ces ingrédients qu'on utilise pour nous vendre des histoires, tous ces petits ingrédients mystérieux qui rentrent aussi dans la composition des nems. Voilà, dans une bonne histoire, il y a un personnage principal. Et ce personnage principal, il doit avoir un objectif. Donc en général, parce que le monde est comme ça, l'objectif est simple. L'objectif en général, c'est de vendre quelque chose à son prochain. De vendre un homme politique ou une lotion pour les cheveux, c'est pareil. Les gens votent ou votent pas, achètent ou achètent pas, et puis voilà, c'est réglé. Enfin, c'est comme ça dans le monde réel, mais dans le monde du cinéma, c'est différent. Et oui, parce que on a un objectif avoué, bon, c'est vendre sa salade au plus grand nombre, mais on a aussi un objectif caché, si on n'a pas réussi. Une séance de rattrapage, et ça s'appelle les Césars. Les Césars, c'est très très très très très important, les Césars. Les Césars dans le monde du cinéma, c'est le seul moment de l'année où on arrête de s'auto-congratuler pour pouvoir enfin se distribuer des statuettes. C'est très important. Les femmes ont loué leurs plus beaux bijoux. Tout le monde est en habit de soirée. Certains auront de la chance, d'autres moins. Ça ressemble un peu à une soirée de gala sur le Costia Concordia. Et puis, cette année, en plus, c'est Claude Lelouch qui est capitaine. On n'aura jamais assez de canots de sauvetage pour tout le monde. Oh le mauvais. Oh là là, mais vous n'allez pas l'avoir. C'est courageux. Il ne va pas l'avoir. Allez, cette année aussi, le César. Ils sont en train de changer les étiquettes. Pas de marais évolutif. Ils cherchent une gomme. Cette année aussi, le César d'honneur est attribué à Michael Douglas. À qui d'ailleurs on l'a déjà donné en 1998. Sérieux? Oui, bon, ils n'en font pas non plus tout un truc. C'est un peu mou. C'est un peu mystérieux, mais c'est comme ça, il a vu de la lumière, ou je sais pas. Du coup, peut-être qu'il l'aura à nouveau aussi en 2029, le César d'honneur. Mais là, ça sera le César d'honneur d'organes. Est-ce que quelqu'un a un foie? Bon, alors, cette semaine, Facebook a rajouté 5 petits boutons en plus du like. Parce qu'avant, si quelqu'un annonçait sur sa page Facebook qu'il venait, par exemple, de perdre sa mère, c'était quand même bizarre de lui envoyer un like. Et alors, ils ont réfléchi à ça. Et ils ont rajouté 5 petites icônes. Il y a love, haha, wow, triste et colère. Eh bien, c'est exactement le chemin émotionnel de celui qui est nommé au César. Love, haha, wow, tristesse, colère. Et parce qu'on doit quand même se cogner les 9 heures de cérémonie en applaudissant les copains qui montent pendant qu'on reste assis. Alors, il y a des équivalents dans la musique avec les victoires ou ici à France Inter avec le prix Matmut de l'émission la plus social-démocrate. Et ça reste effectivement un espoir pour ceux qui n'ont rien. En politique, c'est très différent. Bon, déjà, on s'auto-congratule très peu en politique. On s'auto-congratule pas des masses. On s'entre-déchire, plutôt. On n'hésite pas, on s'écrit des tribunes. La seule hésitation, c'est entre « tiens, prends ça dans ta gueule » et « tiens, prends ça dans ton cul ». C'est pas très élégant. D'ailleurs, on peut prendre n'importe quel proverbe et rajouter « dans ta gueule » au milieu et « dans ton cul » à la fin. Vous savez, ce truc-là, c'est comme ça en politique. Par exemple, les chiens aboient dans ta gueule, la caravane passe dans ton cul. C'est horrible. C'est vraiment très moche, mais ça marche avec tous les proverbes. Pierre qui roule dans... Enfin, voilà. C'est très moche. C'est très, très, très vulgaire. C'est pas du tout ça le cinéma français qu'on aime. Non, enfin bon, en politique, il n'y a pas de cérémonie. On gagne ou on perd. C'est le seul objectif des personnages. Ça s'arrête là. Prenez par exemple Jean-François Copé. Oui, encore, je sais. On aime bien. Mais bon, non, il aime bien. Il aime. Oui, oui, oui. Bon, il a un objectif, Jean-François Copé. C'est devenir président de la République. Bon, il n'y arrivera pas. On est tous d'accord. Mais bon, il espère toujours. Alors, s'il y avait les Césars, s'il y avait par exemple les Césars de Les Républicains, eh ben, il perdrait les primaires, bon, d'accord, mais 6 mois plus tard, Lanvin lui prêterait un smoking, il irait au Châtelet avec le cœur battant parce qu'il serait nommé dans la catégorie meilleur espoir. Parce que quand même, l'espoir à ce niveau-là d'improbabilité, ça mérite d'être salué. Ou alors, il aurait meilleur montage pour l'affaire Big Malion. Ce serait un César collectif, enfin voilà. Donc voilà, les personnages doivent, dans une bonne histoire, avoir un objectif clair. Pour moi, l'objectif ce soir, c'est déjà de pouvoir rentrer dans ma robe. Alors, c'est pour ça que je vais vous laisser. Je dois aller me faire liposucer. Je fais ça dans un tabac, place de Clichy, où c'est pas cher. Et puis, je dois passer chez Pôle emploi aussi pour essayer de comprendre comment on fait pour continuer de sourire une fois qu'on a tout perdu. Merci, bravo. Bon César Salade. Et merde, merde, merde, merde. Merci Thomas Bideguin. Vous êtes nommé notamment pour votre film Les Cowboys. Ouais. Et aussi pour Dipane, le Cédric, vous avez coécrit avec Jacques Audiard. Oui, et Aki Rokia. A eu le bonheur de remettre la Palme d'Or. Oh, c'est juste. Mais en tant que jury du dernier festival. C'est un signe. Vous allez partir avec quelque chose. Merci, allez, madame. Ça y est, okay, si la rien, ce sera ma faute. Merci, Thomas. On vous laisse filer, vous faire liposucer, rentrer dans votre robe. Attention aux talons hauts. C'est un métier, c'est un métier. Et on vous retrouve ce soir et après, plus tard dans cette émission. Merci, Thomas. Merci. Et allez, si on écoutait Rokia Traoré, un extrait de son album, Nesso, elle est avec nous sur France Inter jusqu'à 18h. Rokia Traoré, ça veut dire quoi, il est, en bambara? Toi alors, j'ai besoin d'air et voilà, j'ai besoin de tout bien, même avec quelqu'un d'aussi embêtant. Ah d'accord, c'est ça qui se cache derrière, ouais. Il est. C'est le titre de Rokia Traoré qu'on a entendu, un extrait de son dernier album Nesso. Rokia Traoré que vous pourrez déjà entendre ce soir chez André Manoukian dans Partons en live à 21h. Et puis vous serez au Trianon le 28 octobre et vous êtes aussi en tournée. Vous serez notamment le 10 mars à Ramonville-Saint-Agne. Dites donc, vous allez voir du pays. Oui, à côté de Toulouse, c'est ça. Ah bah écoutez, ça je ne sais pas. Vous savez mieux que moi. Au bikini, je pense que c'est là. Voilà. Rokia Traoré est avec nous. Isabelle Sorrente, Alex Vizorek, bien sûr. Bien sûr. Et puis Guillaume Meurice. Ah oui. C'est le moment Meurice. Okay, attention, accrochez-vous. Alors accrochez-vous, aujourd'hui je vais vous parler, du fantastique. Alors je sais ce que vous allez me dire, encore Bruno Le Maire, qu'on a déjà parlé hier. Alors non, rien à voir. Là je vais vous parler de l'univers qu'on appelle le fantastique, vous savez, un peu mystérieux, un peu moyenâgeux, un peu magique. Parce qu'aujourd'hui s'ouvrait le salon du fantastique à l'espace Champéret à Paris. Il y avait donc plein de gens déguisés sur ce thème du fantastique, mais pas que. Au milieu de tout ça, un gars déguisé en Mario, voilà, en Mario Bros, le personnage de Nintendo. Alors pourquoi ? Pour le délire. Parce que là, ça n'a rien à voir avec le thème. Ouais, c'est sûr. Mais moi, j'avais envie de le sortir parce que c'est plus un prototype. Parce que c'est vraiment pour le sortir plus tard dans un autre salon. Mais dans un autre salon qui n'a rien à voir non plus. Ouais. Voilà. Donc, si vous croisez Mario au salon de l'érotisme ou du cheval, bah, il ne s'est pas planté. C'est normal. C'est pour le délire. Alors, en revanche, si vous le croisez au salon du pantalon qui laisse voir l'arrêt du cul, c'est normal. Mario, c'est un plombier. Donc là, ça sera dans le thème. Mais alors, ce matin, il n'y avait pas que lui qui semblait pas vraiment être à sa place. Il y avait une fille qui proposait un jeu de société sur le couple. Alors, on est d'accord que ça n'a rien à voir avec le thème du fantastique. Rien à voir avec le thème du fantastique, c'est juste que, comme c'est l'organisateur qui l'a créé, il s'est dit, tiens, je vais aussi lancer mes projets, je vais en profiter pour lancer quelques-uns de mes projets, voilà. Ah oui, d'accord, donc s'il lançait une chaîne de kebab, il aurait bien un kebab aussi. Pourquoi pas ? Ouais, non, mais pourquoi pas, il fait ce qu'il veut. Magouille dans le fantastique, on peut ouais, dire. Ouais, mais oui, c'est vrai. Encore que le kebab, ça a quelque chose de fantastique, quand même, de mystérieux. On ne sait jamais trop ce qu'il y a dedans, c'est comme les nems de Thomas. Staphylocoque, la gastro, la dysenterie, on sait pas, il y a un côté mystère. Mais bon, là, un jeu de société sur le couple, rien à voir, donc c'est pas facile de s'y retrouver dans ce salon. Surtout qu'en plus, il y avait un autre salon à côté, et j'ai rencontré par hasard un monsieur qui en venait. Je suis venu au salon du vieux papier, j'y viens depuis 20 ans, et puis j'ai dit, comme là, je vais voir ce que c'est, ce salon-là, que je connaissais pas, que j'avais jamais eu. Ah, vous êtes au salon d'à côté ? Ouais, mais j'ai été voulu vous visiter, quoi, ce que c'était. Ah mais pourtant vous avez un look un peu fantastique. Je suis Sherlock Holmes quoi, je suis du 19e siècle. Ah mais c'est pour ça que je pensais que vous étiez déguisé moi. Non, c'est je sors comme ça tous les jours. Ah d'accord, alors du coup c'est pas facile vraiment de s'y retrouver dans ce salon, c'est un peu le bordel avec Mario, Sherlock Holmes et Brigitte Lahaie-Discoun là, et son jeu de société. C'est un peu surnaturel et en même temps l'univers du fantastique il est surnaturel, il est même un peu comment monsieur ? Un peu ésotérique quoi, j'aime bien l'ésotérisme. Qu'est-ce qui vous plaît dans l'ésotérisme ? J'arrive à communiquer avec les morts. Ah bon ? Oui, il y a quelques années, j'ai fait une séance de spiritisme avec une dame. On est arrivé à communiquer avec des morts. dans sa famille. Elle avait 12 ans, la fille, 13 ans. On a fait un verre, là, on a tourné avec un verre. Le verre tournait, on communiquait. Ah, le verre, vous l'aviez bu avant ou pas? Non, c'était un verre qu'on avait posé sur la table et on touchait de l'index le socle du verre. D'accord, mais il y avait quel liquide dedans? Il n'y avait rien. Ah, parce que vous l'aviez bu, c'est bien ce que je dis. Non, on n'avait rien bu, c'était un verre qu'on avait, je ne sais plus si on l'avait tourné ou pas, et avec le doigt, on posait des questions, on poussait. Oui, d'accord, ça y est, je vois ce que c'est. Ouais, je connais la pratique, ça s'appelle le trou normand. Oui, très répandu dans le Calvados. Non seulement ça permet de parler avec les morts, mais ça permet de faire plein d'autres trucs. Moi, la dernière fois que j'ai pratiqué, je me suis battu contre 3 gros balèzes, je les ai défoncés. Ça décuple la force, hein, cette pratique-là. C'est ce que je me suis dit en me réveillant le lendemain à l'hôpital. C'est très, très efficace. Tiens, d'ailleurs, pour tous les sceptiques, ce monsieur a achevé de me convaincre avec un exemple. Mon grand-père, qui est mort en 43, je lui ai posé une question sur un tiercé, il m'a indiqué le tiercé. Malheureusement, comme il voyait mal, j'ai eu le tiercé dans le désordre. Ah, c'est de sa faute. Bah, il voyait mal, j'ai eu dans le désordre. Oui, alors ça, c'est important. Si vous consultez votre grand-père mort pour jouer au tiercé, assurez-vous qu'il avait une bonne mutuelle pour les lunettes. Sinon, vous allez perdre du temps. En plus, vous savez ce que c'est, les grands-pères morts, c'est chiant. Ça raconte sa vie. Oui, moi, j'ai bien connu le maréchal. C'est gênant. C'est gênant, c'est gênant pour tout le monde. Et à propos de grand-père, j'en ai rencontré un autre ce matin qui était bien vivant, lui, mais absolument persuadé qu'il était au salon d'à côté, celui sur les vieux livres et les papiers anciens. Alors qu'il était, donc, je vous rappelle, entouré de gens déguisés en guerrier, en cavalier, en princesse. Alors pourquoi il était venu? Parce que j'adore les vieux livres. Normalement, là, ça a changé un petit peu, mais enfin, il y en a. Et les vieux papiers qui sont pleins d'enseignements. Et là, autour de vous, vous en voyez beaucoup ou pas? C'est spécial aujourd'hui. Les déguisements, tout ça. Oui, ça a changé alors. Oui, ça a changé d'ambiance. Voilà. Mais vous trouvez pas bizarre qu'il y ait plein de gens déguisés en chevaliers Pas du tout. C'est une manière de s'évader. Ils sortent du livre, en sorte. Et oui, il n'était pas décontenancé. Il pensait simplement que les personnages étaient sortis des livres anciens. Et ça, pour le coup, je trouve ça tout à fait fantastique. Merci Guillaume Meurice sur France Inter. Avec Rokia Traoré, on va aborder le deuxième sujet. Une étude montre que les enfants de 6 à 12 ans prennent de plus en plus part aux décisions d'achat de la famille. Les parents n'y voient pas une forme de démission. Non, non, au contraire, ce serait une forme d'éducation à la démocratie participative. Voici un exemple d'expression démocratique au sein de la famille. J'ai pas semaine. Chut. Mais si, à ton âge, tu veux que je te raconte une histoire? J'aime pas les histoires. J'aime pas les histoires. T'as compris ou t'as pas compris? Ouais, c'est ok, on est là pour faire plaisir. Bah, je sais pas, alors qu'est-ce que tu veux? Je veux la Super Nintendo. La quoi? La Super Nintendo. Alors, c'est les inconnus, enfin les trois frères plutôt, c'est pareil. Enfin, c'est pareil. Le film des inconnus. Vous m'aurez compris. C'est une étude relayée par Le Parisien aujourd'hui en France. Entre deux coups de sonde, l'influence des enfants sur les choix de la famille a gagné 10 points. Les enfants sont consultés sur tout, c'est le monde de l'éducation. À l'occidental, ça, alors on laisse les enfants choisir la couleur de l'auto, le lieu de vacances. Vous qui avez été éduqués sur les deux continents, il y a un fossé, non, entre l'éducation à l'occidental et l'éducation à l'africaine? Il y en a toujours eu un. Après, à travers la télé aujourd'hui et l'utilisation d'Internet, il y a des points communs. Mais en même temps, c'est très étrange parce que en Afrique, il y a quelque chose qui a disparu, que je trouvais très bien. On allait plus loin encore. Les jouets, on ne les choisissait pas, on les fabriquait. Donc, on savait fabriquer nos poupées à partir d'ossements de jarrets d'agneaux et tout. Et, ou de fils de fer qu'on ramassait pour faire des petites voitures, etc. Donc, c'était quelque part, je dirais que cette manière-là, à la fois, les enfants là-bas sont habitués, il y a des règles qu'il faut respecter. Oui. Mais entre eux et dans un rapport avec les grands-parents, ils ont une forme de liberté qui a toujours existé. Donc, du coup, dans ce que j'entends là, je retrouve une part de ce qui se fait en Afrique. Ouais. En même temps, à côté, il y a des règles très strictes. Hein, oui. Et la communauté plus élargie qui éduque l'enfant jusqu'au tonton, tantie et le voisin. Tout à fait. Et puis, ça change aussi dans les grandes villes là-bas maintenant. Ça n'est plus la même chose. Donc, voilà, tout est une question d'équilibre. Il faut relativiser, il faut trouver. Peut-être qu'à Bamako, dans quelques temps, eh bien, on constatera dans des études que les enfants participent au choix. Je suis sûre que s'il y a des études, il y aurait beaucoup de gens déçus et qui diraient que les valeurs se dégradent. Oui, souvent. Voilà. Souvent. Isabelle Sorrente, vous avez aussi un conseil un peu sociétal à nous donner, je pense, aujourd'hui. Oui, alors aujourd'hui, on va poursuivre sur notre art de savoir dire non Et on va parler de notre façon de dire non sans vouloir faire de peine. Hein. Un grand classique. Dès que les émotions, l'affection, l'empathie que nous ressentons pour quelqu'un nous poussent à lui dire non sans oser lui dire non. Tout ça pour ne pas passer pour le méchant de l'histoire. Alors en amour, ça donne ces phrases dignes d'un aspirant à la sainteté. Tu es trop bien pour moi. Je ne te mérite pas. Technique d'autoflagellation souvent utilisée par les hommes pour ne pas dire... Stigmatisation. Pour ne pas dire non, je ne veux plus de toi. Alors, soyons honnêtes, les parce femmes... Parce qu'on est gentils, excusez-nous d'être trop gentils. Trop gentils, voilà, trop gentils. Mais c'est justement le point où on va arriver. Les femmes aussi en sont capables, donc se transformer en bad boy ou en fille perdue procède moins du calcul, en fait, que d'une espèce d'instinct de survie chez ceux qui n'osent pas dire non. Mais le résultat des courses, c'est une espèce d'escalade du malentendu. Imaginez que l'autre souffre du même mal en face et qu'il réponde à son tour, pour ne pas faire de peine, « Je t'aime comme tu es », alors qu'il pense très fort, ça suffit comme ça. Et le malentendu peut durer toute la vie, un peu comme dans La Recherche du temps perdu où Swan finit par constater qu'il a perdu des années pour une femme qui n'était pas son genre. Et pour ceux qui ne sont pas amateurs de Proust, en fait, l'escalade du non-dit risque de mener tout droit à une rupture par SMS parce que d'un coup, il y en a ras-le-bol. Alors, sans aller jusqu'à ces extrêmes, plus l'empathie entre en jeu, plus dire non d'une façon claire, ça peut sembler difficile. On se met à la place de l'autre et en fait, on oublie la sienne. Imaginez par exemple que vous confiez un travail à une collègue, ce qu'elle vous rend n'est pas terrible, mais vous savez qu'elle va mal en ce moment. Alors, au lieu de dire « c'est pas terrible », vous lui dites « c'est vraiment bien, sauf là où c'est pas terrible ». Mais en gros, c'est vraiment bien, même si c'est pas terrible, t'as compris ? Eh bien non, ce n'est pas sûr qu'elle comprenne. Et en plus, il y a de fortes chances pour que vous passiez pour un maniaque qui cherche la petite bête dans son travail presque parfait. C'est tout le problème d'un excès de neurones miroirs. Vous savez, ces neurones qui vous permettent de vous mettre à la place de l'autre. Moi, dès que quelqu'un bâille, j'ai sommeil. Quand quelqu'un a une conjonctivite, j'ai envie de pleurer. Donc voilà, c'est très pratique pour se mettre dans la peau d'un personnage. Mais vous imaginez comme on est désavantagé en cas de conflit, comme c'est difficile de résister à la tentation de jouer contre soi en se mettant à la place de l'autre au lieu de rester à la sienne. Mais ça vaut le coup de s'accrocher. Je commence à croire que l'art de savoir dire non dépasse le simple développement personnel. C'est aussi une forme de résistance politique. Parce que si nous nous laissons submerger par l'empathie, si nous n'osons pas dire non pour ne pas faire de peine, ce n'est pas juste par bonté. C'est aussi parce que nous voulons préserver notre image de personne sympathique et populaire. À force de refuser les choses sans avoir l'air de refuser, nous nous comportons tous comme des élus en mal d'électeurs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire de vivre à l'ère de la communication ? Ça veut dire vivre dans la terreur permanente d'être rejeté, pas seulement par la personne à qui nous disons non, mais par tous les autres si nous ne sommes pas assez sympathiques. Cette peur de ne pas être sympathique frappe même les parents. On a vu que les enfants participent aux choix de consommation, mais c'est pire que ce que vous croyez. Le CHU de Montpellier vient d'ouvrir une consultation pour les parents tyrannisés par leurs propres enfants, à qui ils sont dans l'impossibilité de dire non. Et il semblerait que, d'après les psys, ce problème soit en augmentation. En famille, au travail, dans l'espace public, c'est partout la dictature du like et du lol, du sourire et de la séduction. Nous devons en permanence prouver notre capital séduction. C'est cette performance obligatoire de communicant qui nous empêche de dire non, au risque de nous rendre étrangers à notre propre vérité. Conclusion, si communiquer c'est dire ce qu'on pense et penser ce qu'on dit, pour bien communiquer, dites non aux stratégies de communication. C'est QFD par Isabelle Sorrent. Elle est très bien votre chronique, à part quelques endroits où c'était un peu moins bien. Exprimez-vous. C'est facile de dire non aux enfants, vous les éduquez vos enfants plutôt à l'africaine, à l'européenne, entre les deux. Non, on est sur la base de l'honnêteté. Mes parents m'ont élevé comme ça. Ce qui est possible. Il y a des choses qui ne sont pas. Il y a des choses qui sont possibles, mais qui ne peuvent pas être expliquées. Il faut attendre un certain âge et on pose pas de questions, c'est tout. Une torgnole, c'est l'honnêteté Quand on dit, on a des réponses la plupart du temps, mais chaque fois que mes parents m'ont dit là, plus tard, il n'y a pas de réponse adéquate pour toi. J'ai fait confiance, j'ai rien dit. C'était rare. Mais dans ces cas-là, je savais que c'était la limite. Sinon, il faut dire oui tout le temps, comme au Mali ou au Japon. Ah oui ? Ça veut dire non. Et voilà la solution d'éducation de Roquette Traoré, qui heureusement n'a pas dit non à sa participation à cette émission. Et elle n'a pas dit non, mais on ne sait pas dire non à André Manoukian. En plus, votre musique a ses touches de jazz qui font transpirer de la moustache à André. On pourra vous entendre ce soir à 21h. Roquette Traoré, qui est avec nous pour son dernier album Nesso. Et lui ? Ah bah d'habitude, Rokia, elle en fait de la musique, mais là, elle va en écouter de la musique parce que c'est notre chanteur maison qui est derrière vous. Bonjour Frédéric Fromet. Bonjour à tous. Alors, qu'est-ce qu'on va chanter ? Je vais vous parler de la jungle de Calais. sur un slam de migrants corps malade. Aïe. Aïe, aïe, aïe. J'ai plus de maison, j'ai plus de volets. Je suis comme un con dans le Pas-de-Calais. J'ai pas de chauffage, pas d'électricité. Et quand il y a de l'orage, j'ai les pieds mouillés. Ça paraît un peu léger, mais croyez-moi, quand il neige, j'ai les pieds froids. Oui, ça paraît bête, madame, je le sais bien. Mais c'est du slam, on n'y peut rien. Le slam, ça veut dire, je le rappelle, style littéraire adapté à la maternelle. J'ai pas de chez moi, ni douche, ni WC. J'ai pas d'emploi, j'ai que des RTT. Sous mes cartons, j'ai fait de la place. Papa est en prison, maman fait des passes. Je vis dans un trou qu'on appelle la jungle. Mais il est où, Tarzan, bande de baltringues? Vous vous demandez pourquoi faire cette voix super grave? J'ai piqué le poème de mon petit frère, je veux pas qu'on s'en aperçoive. Pour rejoindre l'Angleterre, moi et mes potos, on a une idée super, on construit un radeau. Mais pitié, pas la noyade comme le petit Elan. Déjà, migrant corps malade, si en plus on se tape Francis Lalanne. Quand j'ai quitté l'Érythrée, je me doutais pas de ce que j'hériterais. Et on parle de nous en tant que flux migratoire. Et ouais, ça dit tout. On s'inquiète plus pour les ferries et l'Eurostar. Un ex-président mis en examen nous a comparé à une grosse fuite d'eau. Pardonnez-le, il n'est pas très malin. Il n'est pas concerné par la fuite des cerveaux. Vous avez même un ex-général qui est venu nous traiter de vauriens. Tout le monde sait ça, monsieur Piquemal. Le migrant, lui, il pique bien. Mais alors, c'était quoi, ce film qui vous attend plus? Bienvenue chez les ch'tis, bienvenue mon cul. Et la Belgique qui rétablit les contrôles aux frontières. Ah, ils sont chics à dire qu'ils sont sympas, les buveurs de bière. Je pourrais vous dire que je suis perdu, mais j'ai pas les mots tellement je trime. De toute façon, dans le slam, t'es foutu si t'as pas un bon dictionnaire de rimes. Voilà, j'ai presque fini ma récitation. D'ailleurs, la voici, ma conclusion. Tout le monde se mobilise contre un avant-projet d'El Khomri. Nous, on est dans la vraie mouise et on peut bien pourrir. Merci. Merci. J'avais pas la béquille alors. Frédéric Fromet, merci. C'est vous, hein, Franck Traoré? Oui. Avec la pointe d'ironie qui s'y est. Tout passe mieux et se comprend de manière plus simple, dit avec l'humour. Oui, avec l'humour et la musique. Merci beaucoup, Roquette Traoré. Justement, demain, vous serez à Grande-Synthe. Vous jouez à Dunkerque. Demain, vous serez en concert. Vous serez aussi au Trianon le 28 octobre à Paris. Vous serez le 9 mars à Arles ou le 5 mars à Amiens. Vous êtes en tournée dans toute la France. Je rappelle que votre dernier album qu'on vous recommande chaleureusement, qui est magnifique, s'appelle Nesso. Ça veut dire « chez moi ». Et chez vous, c'est à la fois au Mali et à Bruxelles un peu. Enfin, chez vous, c'est le monde finalement. C'est là où je peux me réaliser librement. Voilà, les mots de Roquette Traoré. Merci beaucoup et je laisse le mot de la fin à Ségolène Royal, partie en Afrique. Rappelez le béaba de l'écologie. Assalamu alaikum, ici le Capitaine Chocolat. Ladies and gentlemen, this is the Captain Chocolat. PLC aux portes armement de Toboggan. On va faire des take-off.